justes, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez-le avec l'harpe, chantez-lui un cantique nouveau avec foi. Car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la terre est pleine de sa bonté. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amasse comme un monceau les eaux de la mer, il met dans des réservoirs l'océan qui touche. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il parle et la chose existe, il commande et elle paraît dans la vie. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour héritage. Il observe tous les habitants de la terre, il voit les cœurs, son regard voyage. Ce n'est pas un roi qui se sauve par une grande armée, ni un héros par l'excès de sa force. Le cheval est impuissant pour sauver, toute sa vigueur ne donne pas de ressources. Mais l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté.